Chapitre 8. Villes et villages, ponts, grands chemins, etc. Mais si le clergé a défriché l'Europe sauvage, il a aussi multiplié nos hameaux, accru et embelli nos villes. Divers quartiers de Paris, tels que ceux de Sainte-Geneviève et de Saint-Germain-l'Auxerrois, se sont élevés en partie aux frais des abbayes du même nom. En général, partout où il se trouvait un monastère, là se formait un village. La Chaise-Dieu, Abbeville, et plusieurs autres lieux portent encore dans leur nom la marque de leur origine. La ville de Saint-Sauveur, au pied du mont Cassin en Italie, et les bourgs environnants sont l'ouvrage des religieux de Saint-Benoît. À Fulde, à Mayence, dans tous les cercles ecclésiastiques de l'Allemagne, en Prusse, en Pologne, en Suisse, en Espagne, en Angleterre, une foule de cités ont eu, pour fondateurs, des ordres monastiques ou militaires. Les villes qui sont sorties le plus tôt de la barbarie sont celles-mêmes qui ont été soumises à des princes ecclésiastiques. L'Europe doit la moitié de ses monuments et de ses fondations utiles à la munificence des cardinaux, des abbés et des évêques. Mais on dira peut-être que ces travaux n'attestent que la richesse immense de l'Église. Nous savons qu'on cherche toujours à atténuer les services. L'homme est la reconnaissance. Le clergé a trouvé des terres incultes. Il y a fait croître des moissons. Devenu opulent par son propre travail, il a appliqué ses revenus à des monuments publics. Quand vous lui reprochez des biens si nobles, et dans leur emploi et dans leur source, vous l'accusez à la fois du crime de deux bienfaits. L'Europe entière n'avait ni chemin, ni auberge. Ses forêts étaient remplies de voleurs et d'assassins. Ses lois étaient impuissantes, ou plutôt, il n'y avait point de loi. La religion seule, comme une grande colonne élevée au milieu des ruines gothiques, offrait des abris et un point de communication aux hommes. Sous la seconde race de nos rois, la France étant tombée dans l'anarchie la plus profonde, les voyageurs étaient surtout arrêtés, dépouillés et massacrés au passage des rivières. Des moines habiles et courageux entreprirent de remédier à ces maux. Ils formèrent entre eux une compagnie sous le nom d'hospitaliers pontifes ou faiseurs de ponts. Ils s'obligeaient par leur institut à prêter main-forte aux voyageurs, à réparer les chemins publics, à construire des ponts et à loger des étrangers dans des hospices qu'ils élevèrent au bord des rivières. Ils se fixèrent d'abord sur la Durance, dans un endroit dangereux appelé Maupas ou Mauvais Pas, et qui, grâce à ces généreux moines, prit bientôt le nom de Bon Pas, qu'il porte encore aujourd'hui. C'est cet ordre qui a bâti le pont du Rhône à Avignon. On sait que les messageries et les postes, perfectionnées par Louis XI, furent d'abord établies par l'Université de Paris. Sur une rue des hautes montagnes du Rouergue, couverte de neige et de brouillard pendant 8 mois de l'année, on aperçoit un monastère bâti vers l'an 1120 par Allard, vicomte de Flandre. Ce seigneur, revenant d'un pèlerinage, fut attaqué dans ce lieu par des voleurs. Il fit vœu, s'il se sauvait de leurs mains, de fonder dans ce désert un hôpital pour les voyageurs et de chasser les brigands de la montagne. Étant échappé au péril, il fut fidèle à ses engagements, et l'hôpital d'Abrac ou d'Aubrac s'éleva in loco horroris et vastea solitudinis, comme le porte l'acte de fondation. Allard y établit des prêtres pour le service de l'Église, des chevaliers hospitaliers pour escorter les voyageurs, et des dames de qualité pour laver les pieds des pèlerins, faire leur lit et prendre soin de leurs vêtements. Dans les siècles de barbarie, les pèlerinages étaient fort utiles. Ce principe religieux, qui attirait les hommes hors de leur foyer, servait puissamment au progrès de la civilisation et des Lumières. Dans l'année du Grand Jubilé, on ne reçut pas moins de 440 500 étrangers à l'hôpital de Saint-Philippe de Néri, à Rome. Chacun d'eux fut nourri, logé et défrayé entièrement pendant 3 jours. Il n'y avait point de pèlerin qui ne revint dans son village avec quelques préjugés de moins et quelques idées de plus. Tout se balance dans les siècles. Certaines classes riches de la société voyagent peut-être à présent plus qu'autrefois, Mais, d'une autre part, le paysan est plus sédentaire. La guerre l'appelait sous la bannière de son seigneur et la religion dans les pays lointains. Si nous pouvions revoir un de ces anciens vassaux, que nous nous représentons comme une espèce d'esclave stupide, peut-être serions-nous surpris de lui trouver plus de bon sens et d'instruction qu'aux paysans libres d'aujourd'hui. Avant de partir pour les royaumes étrangers, le voyageur s'adressait à son évêque, qui lui donnait une lettre apostolique avec laquelle il passait en sûreté dans toute la chrétienté. La forme de ces lettres variait selon le rang et la profession du porteur, d'où on les appelait formatae. Ainsi, la religion n'était occupée qu'à renouer les fils sociaux, que la barbarie rompait sans cesse. En général, les monastères étaient des hôtelleries où les étrangers trouvaient en passant le vivre et le couvert. Cette hospitalité qu'on admire chez les anciens et dont on voit encore les restes en Orient était en honneur chez nos religieux. Plusieurs d'entre eux, sous le nom d'hospitaliers, se consacrèrent particulièrement à cette vertu touchante. Elle se manifestait, comme au jour d'Abraham, dans toute sa beauté antique, par le lavement des pieds, la flamme du foyer et les douceurs du repas et de la couche. Si le voyageur était pauvre, on lui donnait des habits, des vivres et quelque argent pour se rendre à un autre monastère où il recevait les mêmes secours. Les dames montées sur leurs palefrois, les preux cherchant aventure, les rois égarés à la chasse, frappaient au milieu de la nuit à la porte des vieilles abbayes et venaient partager l'hospitalité qu'on donnait à l'obscur pèlerin. Quelquefois, deux chevaliers ennemis s'y rencontraient ensemble et se faisaient joyeuse réception jusqu'au lever du soleil, où, le fer à la main, ils maintenaient l'un contre l'autre la supériorité de leurs dames et de leur patrie. Boucicaut, au retour de la croisade de Prusse, logeant dans un monastère avec plusieurs chevaliers anglais, soutint seul contre tous qu'un chevalier écossais, attaqué par eux dans les bois, avait été traîtreusement mis à mort. Dans ces hôtelleries de la religion, on croyait faire beaucoup d'honneur à un prince quand on lui proposait de rendre quelques soins aux pauvres qui s'y trouvaient par hasard avec lui. Le cardinal de Bourbon, revenant de conduire l'infortunée Élisabeth en Espagne, s'arrêta à l'hôpital de Roncevaux, dans les Pyrénées. Il servit à table 300 pèlerins et donna à chacun d'eux 3 réaux pour continuer leur voyage. Le Poussin est un des derniers voyageurs qui ait profité de cette coutume chrétienne. Il allait à Rome, de monastère en monastère, peignant des tableaux d'autel pour prix de l'hospitalité qu'il recevait, et renouvelant ainsi chez les peintres l'aventure d'Homère. Chapitre 9. Arts et métiers, commerce. Rien n'est plus contraire à la vérité historique que de se représenter les premiers moines comme des hommes oisifs, qui vivaient dans l'abondance aux dépens des superstitions humaines. D'abord, cette abondance n'était rien moins que réelle. L'ordre, par ses travaux, pouvait être devenu riche, mais il est certain que le religieux vivait très durement. Toutes ces délicatesses du cloître, si exagérées, se réduisaient, même de nos jours, à une étroite cellule, des pratiques désagréables et une table fort simple, pour ne rien dire de plus. Ensuite, il est très faux que les moines ne fussent que de pieux fainéants, quand leurs nombreux hospices, leurs collèges, leurs bibliothèques, leur culture et tous les autres services dont nous avons parlé n'auraient pas suffi pour occuper leurs loisirs, ils avaient encore trouvé bien d'autres manières d'être utiles. Ils se consacraient aux arts mécaniques et étendaient le commerce au dehors et au dedans de l'Europe. La congrégation du tiers-ordre de Saint-François, appelée des bons fieux, faisait des draps et des galons en même temps qu'elle montrait à lire aux enfants des pauvres et qu'elle prenait soin des malades. La compagnie des pauvres frères cordonniers et tailleurs était instituée dans le même esprit. Le couvent des Hiéronymites, en Espagne, avait dans son sein plusieurs manufactures. La plupart des premiers religieux étaient maçons aussi bien que laboureurs. Les bénédictins bâtissaient leurs maisons de leurs propres mains, comme on le voit par l'histoire des couvents du Mont Cassin, de ceux de Fontevraud et de plusieurs autres. Quant au commerce intérieur, beaucoup de foires et de marchés appartenaient aux abbayes et avaient été établis par elles. la célèbre foire du Landy à Saint-Denis devait sa naissance à l'Université de Paris. Les religieuses filaient une grande partie des toiles de l'Europe. Les bières de Flandre et la plupart des vins fins de l'archipel, de la Hongrie, de l'Italie, de la France et de l'Espagne étaient faits par les congrégations religieuses. L'exportation et l'importation des grains, soit pour l'étranger, soit pour les armées, dépendaient encore, en grande partie, des grands propriétaires ecclésiastiques. Les églises faisaient valoir le parchemin, la cire, le lin, la soie, les marbres, l'orfèvrerie, les manufactures en laine, les tapisseries et les matières premières d'or et d'argent. Elles seules, dans les temps barbares, procuraient quelque travail aux artistes, qu'elles faisaient venir exprès de l'Italie et jusque du fond de la Grèce. Les religieuses eux-mêmes cultivaient les beaux-arts et étaient les peintres, les sculpteurs et les architectes de l'âge gothique. Si leurs ouvrages nous paraissent grossiers aujourd'hui, n'oublions pas qu'ils forment l'anneau où les siècles antiques viennent se rattacher aux siècles modernes. Que sans eux, la chaîne de la tradition des lettres et des arts eût été totalement interrompue. Il ne faut pas que la délicatesse de notre goût nous mène à l'ingratitude. À l'exception de cette petite partie du Nord, comprise dans la ligne des villes hanséatiques, le commerce extérieur se faisait autrefois par la Méditerranée. Les Grecs et les Arabes nous apportaient les marchandises de l'Orient, qu'ils chargeaient à Alexandrie. Mais les croisades firent passer entre les mains des Francs cette source de richesse. Les conquêtes des croisés, dit l'abbé Fleury, leur assurèrent la liberté du commerce pour les marchandises de la Grèce, de Syrie et d'Égypte, et par conséquent pour celles des Indes, qui ne venaient point encore en Europe par d'autres routes. Le docteur Robertson, dans son excellent ouvrage sur le commerce des anciens et des modernes aux Indes orientales, confirme, par les détails les plus curieux, ce qu'avance ici l'abbé Fleury. Gênes, Venise, Pise, Florence et Marseille durent leurs richesses et leurs puissances à ces entreprises d'un zèle exagéré que le véritable esprit du christianisme a condamné depuis longtemps. Mais enfin, on ne peut se dissimuler que la marine et le commerce moderne ne soient nés de ces fameuses expéditions. Ce qu'il y eut de bon en elles appartient à la religion, le reste aux passions humaines. D'ailleurs, si les croisés ont eu tort de vouloir arracher l'Égypte et la Syrie aux Sarrasins, ne gémissons donc plus quand nous voyons ces belles contrées en proie à ces Turcs qui semblent arrêter la peste et la barbarie sur la patrie de Phidias et d'Euripide. Quel mal y aurait-il si l'Égypte était depuis Saint-Louis une colonie de la France, et si les descendants des chevaliers français régnaient à Constantinople, à Athènes, à Damas, à Tripoli, à Carthage, à Tyr, à Jérusalem. Au reste, quand le christianisme a marché seul aux expéditions lointaines, on a pu juger que les désordres des croisades n'étaient pas venus de lui, mais de l'emportement des hommes. Nos missionnaires nous ont ouvert des sources de commerce, pour lesquelles ils n'ont versé de sang que le leur, dont à la vérité ils ont été prodigues. Nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit sur ce sujet au livre des missions.